Vous savez que je prends la petite chatte très au sérieux. Et vous devriez vous aussi prendre la petite chatte très au sérieux. C'est vrai que je donne la priorité à un cul qui se tient bien. Mais s'il est poilu, alors je m'en tiens aux tétons. Mais si les tétons sont poilus, alors je redescends vers son cul. Soon. Got a fibrillation. APOC, location. Target almost there. He's going into arrest. Lock, I got him. Now, tank, now.